Section 108 des Mille et une nuits, tome 3e, 15e partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Paribanou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland, 15e partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Paribanou. Le sultan des Indes ne persuada pas le prince Ahmed par son discours. Le prince Ahmed eut mieux aimé qu'il lui eût demandé toute autre chose que de l'exposer à déplaire à sa chère Paribanou. Et, dans le chagrin qu'il conçut, il partit de la cour 2 jours plus tôt qu'il n'avait coutume. Dès qu'il fut arrivé, la fée, qui jusqu'alors l'avait toujours vu se présenter devant elle avec un visage ouvert, lui demanda la cause du changement qu'elle y remarquait. Comme elle vit qu'au lieu de répondre, il lui demandait des nouvelles de sa santé d'un air qui faisait connaître qu'il évitait de la satisfaire. « Je répondrai, » dit-elle. « À votre demande, quand vous aurez répondu à la mienne. » Le prince s'en défendit longtemps, en lui protestant que ce n'était rien, mais, plus il se défendait, plus elle le pressait. « Je ne puis, » dit-elle, « vous voir dans l'état où vous êtes que vous ne m'ayez déclaré ce qui vous fait de la peine, afin que j'en dissipe la cause, quelle qu'elle puisse être. Il faudrait qu'elle fût bien extraordinaire, si elle était hors de mon pouvoir, à moins que ce ne fût la mort du sultan votre père. En ce cas-là, avec ce que je tâcherai d'y contribuer de mon côté, le temps vous en apporterait la consolation. » Le prince Ahmed ne put résister plus longtemps aux vives instances de la fée. Il lui dit, « Madame, Dieu prolonge la vie du sultan mon père, et le bénisse jusqu'à la fin de ses jours. Je l'ai laissé plein de vie et en parfaite santé, ainsi ce n'est pas cela qui cause le chagrin dont vous vous êtes aperçu. C'est le sultan lui-même qui en est la cause, et j'en suis d'autant plus affligée qu'il me met dans la nécessité fâcheuse de vous être importun. « Premièrement, madame, vous savez le soin que j'ai pris, avec votre approbation, de lui cacher le bonheur que j'ai eu de vous voir, de vous aimer, de mériter vos bonnes grâces et votre amour, et de recevoir votre foi en vous donnant la mienne. Je ne sais néanmoins par quel endroit il en a été informé. » La fée Paribanou interrompit le prince Ahmed en cet endroit. « Et moi, reprit-elle, je le sais. Souvenez-vous de ce que je vous ai prédit de la femme qui vous a fait croire qu'elle était malade et dont vous avez eu compassion. C'est elle-même qui a rapporté au sultan votre père ce que vous lui aviez caché. Je vous avais dit qu'elle était aussi peu malade que vous et moi. Elle en a fait voir la vérité. En effet, après que les deux femmes auxquelles je l'avais recommandé lui eurent fait prendre d'une eau souveraine pour toutes sortes de fièvres, dont cependant elle n'avait pas besoin, elle feignit que cette eau l'avait guérie et se fit amener pour prendre congé de moi, afin d'aller incessamment rendre compte du succès de son entreprise. Elle était même si pressée qu'elle serait partie sans voir mon palais si, en commandant à mes deux femmes de la conduire, je ne lui eusse fait comprendre qu'il valait la peine d'être vu. Mais poursuivez, et voyons en quoi le sultan votre père vous a mis dans la nécessité de m'être important, chose néanmoins qui n'arrivera pas, je vous prie d'en être persuadé. Madame, poursuivit le prince, vous avez pu remarquer que jusqu'à présent, qu'en tant que vous m'aimiez, je ne vous ai demandé aucune faveur. Après la possession d'une épouse si aimable, que pourrais-je désirer davantage? Je n'ignore pas néanmoins quel est votre pouvoir, mais je m'étais fait un devoir de bien me garder de le mettre à l'épreuve. Considérez donc, je vous en conjure, que ce n'est pas moi, mais le sultan mon père, qui vous fait la demande indiscrète, autant qu'il me le paraît, d'un pavillon qui le met à couvert des injures du temps, quand il est en campagne, lui, toute sa cour et toute son armée, et qui tienne dans la main. Encore une fois, ce n'est pas moi, c'est le sultan mon père qui vous demande cette grâce. Prince, reprit la fée en souriant, je suis fâché que si peu de choses vous aient causé l'embarras et le tourment d'esprit que vous me faites paraître. Je vois bien que 2 choses y ont contribué. L'une est la loi que vous vous êtes imposée de vous contenter de m'aimer et d'être aimé, et de vous abstenir de la liberté de me faire la moindre demande, qui mit mon pouvoir à l'épreuve. L'autre, que je ne doute pas, quoique vous en puissiez dire que vous vous êtes imaginé que la demande que le sultan votre père a exigée, que vous me fissiez, était au-delà de ce pouvoir. Quant à la première, je vous en loue, je vous en aimerais davantage s'il était possible. Quant à la seconde, je n'aurai pas de peine à vous faire connaître que ce que le sultan me demande est une bagatelle, et dans l'occasion que je puis toute autre chose plus difficile. Mettez-vous donc l'esprit en repos, et soyez persuadé que, bien loin de m'importuner, je me ferai toujours un très grand plaisir de vous accorder tout ce que vous pourrez souhaiter que je fasse pour l'amour de vous. En achevant, la fée commanda qu'on lui fît venir sa trésorière. La trésorière vint. Nourgiane, lui dit la fée, c'était le nom de la trésorière, apporte-moi le pavillon le plus grand qui soit dans mon trésor. Nourgiane revint peu de temps après et elle lui apporta un pavillon, lequel tenait non seulement dans la main, mais même que la main pouvait cacher en la fermant, et elle le présenta à la fée sa maîtresse, qui le prit et le mit entre les mains du prince Ahmed afin qu'il le considérât. Quand le prince Ahmed vit ce que la fée Paribanou appelait un pavillon, le pavillon le plus grand, disait-elle, qu'il eut dans son trésor, il crut qu'elle voulait se moquer de lui, et les marques de sa surprise parurent sur son visage et dans sa contenance. Paribanou, qui s'en aperçut, fit un grand éclat de rire. « Quoi, prince ? » s'écria-t-elle. « Vous croyez donc que je veux me moquer de vous ? Vous verrez tout à l'heure que je ne suis pas une moqueuse. « Nourguillon, » dit-elle à sa trésorière, en reprenant le pavillon des mains du prince Ahmed et en le lui remettant. « Va, dresse-le, que le prince juge si le sultan son père le trouvera moins grand que celui qu'il a demandé. » La trésorière sortit du palais, et elle s'en éloigna assez loin pour faire en sorte que, quand elle l'aurait dressé, l'extrémité vint d'un côté jusqu'au palais. Quand elle l'eut fait, le prince Ahmed le trouva, non pas plus petit, mais si grand que deux armées aussi nombreuses que celles du sultan des Indes eussent pu y être à couvert. « Vous voyez, lui dit la fée, que le pavillon est plus grand qu'il n'est besoin. « Ma princesse, dit-il à Paribanou, je vous demande mille pardons de mon incrédulité. Après ce que je vois, je ne crois pas qu'il y ait rien de tout ce que vous voudrez entreprendre dont vous ne puissiez venir à bout. « Vous voyez, lui dit la fée, que le pavillon est plus grand qu'il n'est de besoin. Mais vous remarquerez une chose, qu'il a cette propriété, qu'il s'agrandit ou se rapetisse à proportion de ce qui doit être couvert sans qu'il soit besoin qu'on y mette la main. » La trésorière mit bas le pavillon, le réduisit en son premier état, l'apporta et le mit entre les mains du prince. Le prince Ahmed le prit, et le lendemain, sans différer plus longtemps, il monta à cheval, et accompagné de sa suite ordinaire, il alla le présenter au sultan son père. Le sultan, qui s'était persuadé qu'un pavillon tel qu'il l'avait demandé était hors de toute possibilité, fut dans une grande surprise de la diligence du prince son fils. Il reçut le pavillon, et après avoir admiré la petitesse, il fut dans un étonnement, dont il eut de la peine à revenir quand il l'eut fait dresser dans la grande plaine que nous avons dite, et qu'il eût connu que deux armées aussi grandes que la sienne pouvaient y être à couvert fort au large. Comme il eût pu regarder cette circonstance comme une superfluité qui pouvait même être incommode dans l'usage, le prince Ahmed n'oublia pas de l'avertir que cette grandeur se trouvait toujours proportionnée à celle de son armée. En apparence, le sultan des Indes témoigna au prince l'obligation qu'il lui avait d'un présent si magnifique, en le priant de bien remercier la fée Paribanou de sa part, et pour lui marquer davantage l'état qu'il en faisait, il commanda qu'on le gardât soigneusement dans son trésor. Mais en lui-même, il en conçut une jalousie plus outrée que celle que ses flatteurs et la magicienne lui avaient inspirée, en considérant qu'à la faveur de la fée, le prince, son fils, pouvait exécuter des choses qui étaient infiniment au-dessus de sa propre puissance, nonobstant sa grandeur et ses richesses. Ainsi, plus animé qu'auparavant à ne rien oublier pour faire en sorte qu'il périt, il consulta la magicienne, et la magicienne lui conseilla d'engager le prince à lui apporter de l'eau de la fontaine des lions. Fin de la 15e partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Paribanou, section 108, enregistrée par Bricara.